e sto mirando arriba che la luz desnuda che pende nel siero delle stanze. La cama es una barca a la deriva, entra el teléfono y la puerta blanca. Si quiero ir conmigo contigo la langosta, no, muchas gracias, no me gusta. Porque estoy esperando a una música que me lleve hasta la playa. Somebody. Vivas in the mix. Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me. Pretty young girl on my mind. How No, señor.